Elle sort son petit boule pour un billet violet. Boum, boum pour un billet violet. La vie est prête à décoller. Je crée mes textes à la dégoûter. Baby, t'es péché abonné. Prévé les cette année, je vais la décoller. Le monde vers violet. Maître cross à île au sommet. Si je tourne, je fais le tour de la terre. À chacun sa peine sans violer. Le monde vers violet. Le monde vers violet. Le monde vers violet. Le monde vers violet. Le monde vers violet. Le monde vers violet. Le monde vers violet. Le monde vers violet. J'ai tué le sang, tu les SSS. Le haut PTM caresse SS. On m'a DS, buté PFSS. Gabino, c'est magique, nique les SSS. Va dire au civil, on quittera pas le réseau. Tu me critiques, fils de efface mon numéro. Retour de pharmace, ne fais pas le héros. On est toujours énervé, on quittera pas le ghetto. Je croyais pas, ben fallait pas. Elle est violée sur le Yamaha. Je te tente qu'un doigt parce que je mets droit le Yamaha. Un gros boule sur le pull pancho. Fais cracher le pompon, muchacho.